بسم الله الرحمن الرحيم نواصل اليوم في درسنا وندخل في الدرس الخامس ومئة 150 لسون. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 48,300 1348 question. هل يجوز أن تكون المرأة رئيسة أو وزيرة أو قاضية؟ Et tu permets qu'une femme soit présidente, ou alors ministre, ou alors juge, et voire même imam, d'accord, ou tout autre poste, fonction qui amènerait à avoir autorité sur les gens, d'accord, et sur les hommes, et sur un peuple, et sur une communauté. Et cela n'est pas permis. Comme dans le hadith de Abi Bakr, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لن يفلح قوم ولوا امرأهم امرأة, qu'il a dit qu'un peuple qui a confié, on va dire, leur autorité à une femme ne réussira pas. Apporté par le Bukhari. Et Kazadi fi kulli azza wa jalla ar-rijal qawwamun 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Qu'il est dit dans le sens azza wa jalla que les hommes ont autorité sur les femmes. Là, c'est un verset qui à la base vise de façon particulière les maris par rapport à leurs femmes, mais c'est de façon générale des hommes par rapport aux femmes. D'accord, parce que Allah les a préférés les uns aux autres. Car Allah a mis un degré plus haut à l'homme que celui de la femme, quand dans différents versets. Vous voyez, comme encore le Ta'ala, les rigels à l'inna d'alaja, que les hommes soient à un degré. Vous le savez, Zakarouk al-Unsa, et que l'homme n'est pas comme la femme. Vous voyez, les cas. Donc la femme n'a pas le statut de l'homme. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas une injustice. C'est une chose que Allah Azzawajal a décrétée. C'est lui notre créateur. C'est lui qui a créé la femme. C'est lui qui a créé l'homme. Et il sait mieux qui est en droit de faire quoi. Et celui qui conteste cela, ça revient à contester le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela peut même aller loin, aller jusqu'à de la mécréance. Cela dépend du degré de la personne dans son obstination. Donc c'est comme cela. Donc une femme ne peut pas être imam, comme on l'a vu dernièrement qui s'est passé en France, on nous a tenu au courant. D'accord ? La femme ne peut pas être imam pour l'homme. La femme est imam pour l'autre femme, mais pas pour un homme. Aïcha, elle-même qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était hafizah du Coran, elle connaissait le Coran par cœur, pour Tarawih, elle faisait lire son esclave qui lui lisait du mushaf. N'était pas hafiz comme elle, c'est lui qui était imam pour elle, et il lisait depuis le mushaf. Alors qu'elle, elle est derrière, elle est plus savante que lui, et elle est hafiz, elle mémorise le Coran par cœur. Mais du fait qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas être imam, elle a mis son esclave devant elle, en tant que imam. Et aujourd'hui, les gens, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît rien d'eux, et ils viennent se permettre de remettre en question ce genre de jugement, en disant qu'on n'a pas de textes qui disent que cela n'est pas permis. On a des textes, seulement les textes, vous ne les comprenez pas. Et quand même, vous les comprenez. Cela ne revient pas, vous êtes des gens qui suivent leur passion. Les gens, ils aiment bien dire cela. On n'a pas de texte, on n'a pas de preuve. Depuis quand vous êtes des gens qui suivent les preuves, vous? Depuis quand vous êtes des gens qui suivent les preuves? Les gens, tu leur donnes des preuves, des textes clairs, ils les mettent en question, ils nous interprètent la chose. Et quand il n'y a pas de texte, ils disent oui, il n'y a pas de texte. Qu'il y ait un texte, s'il n'y a pas de texte, ce sera pareil pour vous. Vous allez faire ce qu'il y a dans vos têtes, ce que vous avez envie de faire. D'accord? Et ça, c'est une masse qui sont connues, claires et flagrantes. Et connues. Ce ne sont pas des choses qui sont, mesalène, ambiguës ou qui ne sont pas claires, sur lesquelles il y a une grande divergence ou quoi. Ce sont des choses qui sont claires. Wadiha. Des choses qui sont claires et wadiha. Wallah Musta'an. Thumma qala fi su'al 50 wa 300 wa 1350e question. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu al-jannata qati'un. Fama wa al-qati'. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui coupe, ne rentrera pas au paradis. Donc qui est celui qui coupe? Il s'agit de ceux qui coupent les liens de parenté. Waqati arwahim. Lui n'entrera pas au paradis. Et cette entrée, ce n'est pas une entrée dans l'absolu, ça veut dire qu'il est un mécréant, mais n'entrera pas parmi les premiers en fait. Car couper les liens de parenté, c'est un grand péché, un immense péché, mais ce n'est pas de la mécréance de l'association. Le seul qui sera privé de rentrer au paradis, c'est le mécréant mushrik. Kafir mushrik. Amal mu'min muslim. مهما بلغت ذنوبه ما دام لم يكفر في الشرك والكفر تمام فمصيره الى الجنه. Le musulman croyant, tant qu'il n'aura pas commis de mécréance majeure, d'assassination majeure, quels que soient les péchés qu'il aurait commis, il finira pour entrer au paradis par la suite. Et il se peut qu'il passe un temps en enfer pour expier ses fautes, si Allah veut le châtier, c'est une chose qui revient à Allah Azza wa Jal. Quoi qu'il en soit, tout mouwahid qui aura unifié Allah dans l'adoration ira au paradis. Naam. Thumma qala fi su'al 52 wa 1352e question. Ma hukm al-tashabbuh bil yahoud wa nasara wa mushrikin wa ma dalil? Qu'en est-il justement de chercher à ressembler aux juifs ainsi qu'aux chrétiens et ainsi qu'aux associateurs, d'accord, dans ce qui leur est spécifique? Et c'est quoi la preuve que cela est interdit? Comme l'a dit Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha bikum fa huwa minhum. Ceux qui ressemblent à un peuple, il en fait partie, apporté par Abu Daoud. Et donc ce tashabbuh, cette ressemblance envers un mécréant, elle est de différents degrés. Elle peut être petite, un petit péché, elle peut être un gros péché, elle peut même aller jusqu'à la mécréance. Cela dépend de la forme de ressemblance que l'on fait. D'accord ? Cela dépend. Soumaqala fi souwal al-thalith wa khamsinu salasamiya wa alf. 1353e question. Uzkur ba'd anwa at-tashabbuh. Cite certaines formes de ressemblance avec eux. Donc parmi elles, il y a leur régime politique, comme la démocratie, ou leur comportement, comme les manifestations, les révolutions, et leurs moyens d'obtenir le pouvoir, comme ce qui est élection. D'accord ? Tout cela rentre dans la forme de ressemblance aux mécréants. Car la démocratie, cela s'oppose à l'islam. C'est le peuple qui se dirige par lui-même, alors qu'en islam, c'est le hukm lillah. Et nous, on juge par la charia, parce que Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre. Et les phases de manifestation, rien des alikas, cela montre une forme de révolte contre le gouverneur. Cela n'est pas permis en islam, de se révolter contre le gouverneur musulman. Les élections, ce n'est pas un mode, un procédé légiféré pour pouvoir choisir le gouverneur. Tout cela est parmi les choses qui viennent de chez eux, de chez les koufars. Il y a également le taswir, le fait de façonner des images figurées, comme le fait de photographier, de filmer, de dessiner, de sculpter. Tout cela rentre dans la ressemblance avec les koufars. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos des chrétiens, d'accord, parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont retrouvées en Habasha et quand elles ont vu des églises, des cathédrales pleines d'images, il a dit quoi? Et quand on écrit cela au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna ulaika idha kana fihim rajul salih famata banu ala qabri masjida wa sawwaru fi tilka suwar fa ulaika shirar al-khalq 'inda Allah yawm al-qiyamah. Qu'il a dit ces gens-là, lorsque un homme pieux meurt, d'accord, parmi eux, ils construisent sur lui un masjid. Donc le fait de construire des masjids sur les tombes, c'est également une ressemblance avec les mécréants. Et il façonne son image, il le représente. D'accord ? Comme par exemple ce qu'on appelle la fameuse chapelle Sixtine. Quand je dis fameuse, en fait, qu'elle est connue, pas en fait fameuse dans le bien. D'accord ? Elle est connue pour ses fresques. Dedans, qui représentent même Allah. Ils ont représenté Allah, des anges, des prophètes et plusieurs choses. Bah, tout cela rentre là-dedans. Et cela amène à leur ressembler. Également, parmi les formes de ressemblance qu'il y a, le fait de célébrer des fêtes autres que celles qui ont été légiférées par l'islam, comme celle du Eid. D'accord ? Le fait de faire tout ce qui est fête, la fête nationale, la fête du pays, la fête de la libération, la fête de la femme, la fête de l'amour, la fête de la musique, c'est encore plus haram. Toutes ces choses-là sont des fêtes qui n'ont aucune origine dans l'islam. Ou fêter les anniversaires, voire même celui du Nabi, ce qu'on appelle le Maulid al-Nabawi. Cela est une chose qui est une pure bid'a et qui nous ressemble avec les chrétiens qui fêtent Noël. D'une part, bien que leur célébration elle-même elle est fausse. Et eux-mêmes, cela n'a pas été légiféré. C'est une chose qu'ils ont eux-mêmes inventée. Ils ont fait une même innovation dans leur religion et les musulmans se mettent à innover en copiant l'innovation de ces gens-là. À la char. Donc tout cela relève de la ressemblance envers les mécréants. Également, comme on l'a cité auparavant, le fait de porter le pantalon, c'est une ressemblance avec les mécréants. غير ذلك. ثم قال في السؤال الرابع وخمسين وثلاثمائة وألف 1354 question. ما هم الذين يتخذون كبور أنبياءهم وصالحهم مساجد؟ Qui sont ceux justement qui prennent les tombes de leurs prophètes ainsi que des gens qui sont pieux comme étant des lieux d'adoration. Il s'agit à la base des juifs et des chrétiens, comme dans le hadith qu'on a cité auparavant. Et quant à cette jobourette que les gens ils ont en disant que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le masjid de Nabawi, qui est Medina, qui est à Médine comme il l'appelle, on dit non, cela n'est pas vrai. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la tombe, dans la maison de Aïcha. Il était enterré là, premièrement. Puis par la suite, le masjid a été agrandi et il a englobé la chambre de Aïcha. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas construit le masjid sur sa tombe. Et sa tombe n'a pas été mise dans le masjid également. C'est une chose qui a bien différencié. D'accord ? Et également la coupole qui se trouve sur sa tombe. la coupole verte. Ça, c'est une chose également qui n'a pas de dalil à la base. C'est une chose qui a été faite par certains gouverneurs par la suite, longtemps après l'époque des salafs, qui ont mis cela sur sa tombe. Et ce n'est pas une chose qui a été faite à l'époque des compagnons, des tabi'in, atba' tabi'in. Comme l'a dit l'imam Sana'ani, ça c'est une mas'ala d'awliya et la daliliya. C'est une chose qui est liée aux actes des gouverneurs et non pas à une preuve légiférée. Donc les gens n'ont pas à prendre cela comme argument pour pencher de la sorte. Par exemple, les soufis, ils font cela. Ils mettent des coupoles vertes sur les masajides. On leur dit cela, c'est une innovation, cela n'a aucune origine. Après, ils te disent, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a une coupole qui est verte. On dit cela, c'est une chose qui a été faite par la suite par les gens. Ça ne vient pas de lui et ni de ses compagnons. Non. Thumma qal. Yaqul fi su'al. السادس وخمسين وثلاثمية وألف مية وثلاثة وخمسين وثلاثمية question. ما هو أكذب الحديث؟ Quelle est la parole la plus mensongère? Il s'agit du zon, c'est-à-dire de la pensée qu'on a en nous, des choses que l'on pense sur lesquelles on n'a aucune preuve, nos opinions, nos pensées, nos impressions. Et de se baser là-dessus pour émettre des avis. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on a إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفقون عليه. Quand les prenez garde des pensées. Car la pensée est parmi les plus mensongères des paroles. Quelqu'un voit quelqu'un, et sans aucune raison, il se met à penser du mal de la personne. Et à le soupçonner et à suspecter de choses dont la personne est innocente ou au minimum il n'a aucune preuve. Donc cela rentre là-dedans. D'accord ? Cela rentre là-dedans. Les préjugés, les soupçons, tout cela, ce n'est pas permis, hormis si on a des indices forts à l'appui ou des preuves. Sans quoi, cela n'est pas permis. طيب سنقف هنا اليوم ونقول الحمد لله رب العالمين